toi dans une société qui n'y désire fermé, qui n'y aurait couché, des sacs à arranger, qu'on met à bouffer sans blanc, pas tant de chant à l'amour, car montant l'esprit en nous, pour faire nous meilleurs. Yeah.